Jibi fix history. Jibi fix history. Tu demandes ce que je fais tous les week-ends. Tu demandes où je vais, avec qui je traîne. Sache que je traîne avec Fixie, Long Brown. Le mec à la small et les trucs dans le sound. Le mec envoie les décibels pendant que je disais à mes gordis d'hydromel. On balance du lourd, on fait du son qui fait danser les troubadours. Tu peux parler, tu peux jacter. Tu peux dire qu'on sait pas rapper, qu'on sait pas enchaîner. Mais sache que quand tu nous passes le Mikey, tu nous sers un verre, tu nous sers du whisky. Moi ma vie c'est le freestyle, c'est le freestyle. Le freestyle, le freestyle, freestyle. Moi ma vie c'est le freestyle, c'est le freestyle. Le freestyle. Le freestyle, freestyle. Moi ma vie c'est le freestyle, c'est le freestyle. Le freestyle, le freestyle, freestyle. C'est parti à Olden Paso, que paso. Mais va pas sortir ta dégaine et commence pas à dégainer. Sinon je vais t'enchaîner comme le canard enchaîné. Oh, c'est comme ça, c'est la story. Tu veux que je te parle de quoi une fois de plus? Je vais débattre de n'importe quel sujet. Vous pouvez juger. Notre blase avant c'était apogée. Mais on a cessé parce qu'on n'est pas là pour insulter. Tu veux te taper? Nous on maîtrise le free fight, la box style. Tu veux te taper, t'auras des soucis. Moi ma vie c'est le freestyle, c'est le freestyle. Le freestyle, le freestyle, freestyle. Moi ma vie c'est le freestyle, c'est le freestyle. Le freestyle, le freestyle, freestyle. Moi ma vie c'est le freestyle, c'est le freestyle. Le freestyle. Le freestyle, freestyle. My name is GB Master Blaze. J'ai déplacé les falaises parce qu'il le fallait. J'suis de retour avec le Frelo, anciennement nommé F2X, le Celtic. Quand il allume sa beuh, ça fait mal au cerveau. Oh, ça fait mal au cerveau. Oh, oh.